Activité 3, page 42. Écoutez les énoncés et dites si le verbe est au singulier ou au pluriel. 1. Elles lisent des romans d'aventure. 2. Il écrit une lettre d'amour. 3. Elle conduit une voiture de sport. 4. Ils ne répondent pas aux questions. 5. Il descend les escaliers. 6. Ils partent à Limoges. 7. Elle met un pantalon à pattes d'éléphant. 8. Ils finissent toujours très tard.